إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد aujourd'hui on va parler du miracle du Coran, le miracle du Coran. Donc on commence tout de suite, le cheikh dit « Inna a'zamu mu'ajizati nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam huwa al-Qur'an al-Karim alladhi kullu nabiyin, li'anna kullu nabiyin takunu mu'ajizatuhu munasibatan lihali ou lihali qawmih ولذلك لما كان السحر فاشيا في قوم فرعون جاء موسى بالعطاء على صورة ما يصنع السحرة لكنها تلقفت ما صنعوا فاحتاروا وانفجعوا وعلموا أن ما جاء به موسى هو الحق وليس من السحر كما قال تعالى فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون ولم يقع ذلك بعين بعينه لغير موسى عليه السلام. Donc le cheikh il commence par expliquer que que parmi les plus grands miracles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le Coran. Ça, c'est un des plus grands miracles qu'Allah a donné au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit pourquoi? Parce que chaque prophète est venu à son peuple avec un miracle qui leur convient, ou qui correspond à l'état de leur peuple. Et c'est pour cette raison-là que lorsque, par exemple, la magie était très répandue dans le peuple de Pharaon, alors Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Moussa avec des exemples, comme par exemple le fait de lui avoir donné un bâton, que lorsqu'il le lançait, ce bâton se transformait en serpent, et les autres magiciens qui travaillaient pour Pharaon, eh ben, eux aussi lançaient leur bâton, et le bâton se transformait en serpent. Excepté que le bâton de Pharaon, le bâton de Moussa, eh ben, il se transformait en serpent et il mangeait les autres serpents que les magiciens avaient lancés. Alors, qu'est-ce qui arrivait dans ce temps-là? C'est que les magiciens tombaient tous prosternés face à terre et ils disaient « On croit au Dieu de Moussa ». Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que aucune magie peut faire une chose pareille. En fait, qu'est-ce qui arrive, c'est que ces magiciens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils truquent les yeux des gens pour leur faire voir quelque chose d'autre. Alors que, qu'est-ce que Moussa a fait? C'est quelque chose que les magiciens savaient d'eux-mêmes que ça, c'est impossible de le faire par la magie. Alors, tout de suite, ils ont reconnu que c'était le Dieu de Moïse, que c'était le vrai Dieu. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? Moussa, qu'est-ce qu'il a eu? Il a dit, ah, c'est lui votre chef, là, c'est lui qui vous a enseigné la magie. Alors, c'est pour ça que vous êtes mis ensemble pour croire en Dieu de Moïse. Donc, ça c'est un exemple, et il mentionne le cheikh dans le passage, le verset où Allah dit, et les magiciens se sont jetés par terre prosternés, et ils ont dit, nous avons cru au Seigneur de l'univers, le Seigneur ou le Dieu de Moïse et de Aaron, Moussa ou Haroun. Et ce genre de miracle s'est arrivé uniquement pour Moïse. Et après il parle, il dit, ولما كان الزمن الذي يعيش فيه عيسى عليه السلام قد فشى فيه الطب فجاء المسيح بما حيرت الأطباء من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص ومن الداء العضال القبيح وخلق من الطين كهيئة الطير بإذن الله فطاشت عطول الأطباء وأذعنوا أن ذلك من عند الله عز وجل ولما كانت العرب أرباب الفصاحة donc là il donne l'exemple de Isa alayhi salam. Il dit qu'à l'époque de Isa il y avait la médecine qui commençait à se répandre et à se développer. Alors Allah a envoyé Moïse a envoyé Jésus alayhi salam avec des miracles qui rendaient les médecins, qui les rendaient très confus, hein, comme lorsqu'ils voyaient ces miracles, ils n'étaient pas capables de l'expliquer. Comment ces gens-là pouvaient être guéris, comme les lépreux, comme faire vivre un mort ou des choses de ce genre. Alors là, yani, ça c'était un exemple que yani, Allah avait envoyé Jésus avec ce genre de miracles, pour faire voir à son peuple yani, que ça venait d'Allah. Aussi quand Isa a.s. prenait de la terre ou de la boue, et avec cette boue, il faisait la forme d'un oiseau, et il soufflait dedans, et il devenait comme un oiseau vivant. Okay? Donc tout ça, ça dépassait la raison des médecins. Ils n'étaient pas capables de l'expliquer, alors ils se soumettaient à ce que Allah avait envoyé. Puis après, il vient avec un exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il dit, ولما كانت العرب أرباب الفصاحة والبلاغة وفرسان الكلام والخطابة جعل الله سبحانه معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وهو المعجزة الباقية الخالدة على مر العصور فقد اختار الله هذه المعجزة الباهرة لخاتمة الرسالات السماوية العامة للناس أجمعين. Donc le cheikh l'explique maintenant que lorsque, étant donné que parmi les Arabes, eh bien, ils étaient des maîtres de l'expression et de l'éloquence et des maîtres de la poésie et de l'expression des discours pour faire des discours et tout ça, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que son miracle, le miracle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, soit de ce genre, yani, qui vienne pour les rendre complètement impuissants de répondre ou d'arriver avec quelque chose de semblable. Et donc, c'était le miracle du Coran. Et Allah, il dit dans le Coran que aucune fausseté ne peut l'approcher ni par devant, ni par derrière, et que c'est une révélation qui vient d'un sage, digne de louange, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est le message qui reste jusqu'à la fin des temps, et Allah subhanahu wa ta'ala a choisi ce miracle pour terminer les messages qui viennent d'Allah, qui viennent du ciel, pour toute la création, pour tous les êtres humains en entier jusqu'à la fin des temps. Donc le cheikh il dit, فالقرآن معجزة يطلع عليها الأجيال في كل زمان يتلونه فيعلمون أنه كلام الله حقا وليس كلام البشر وقد تحدى الله الإنس والجن أن يأتوا بمثله أو بعشر سور منه أو بسورة منه فما استطاع أحد منهم منذ بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا هذا وإلى الأبد أن يأتي أحد بكتاب مثله أو بمثل سورة منه على الرغم من وجود أعداء كثيرين للرسول صلى الله عليه وسلم ولدين الإسلام في عصور التاريخ. Donc, le chef il dit que, يعني, le Coran, وعليكم السلام ورحمة الله, le Coran, et bien, toutes les générations de toutes les époques qui vont le réciter, يعني, ils vont être capables de savoir que c'est la parole d'Allah réellement, parce que, وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, parce que ce miracle-là, يعني, dans le Coran, il y a un défi d'Allah à tous les djinns et à tous les êtres humains de venir avec un Coran pareil ou de venir avec 10 sourates pareilles ou de venir avec même une seule sourate qui est semblable. Et yani, c'est un défi pour eux d'essayer de ramener quoi que ce soit yani, du Coran qui est pareil au Coran. Et le cheikh il dit, et personne, depuis le temps que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé aux gens jusqu'à notre époque aujourd'hui et jusqu'à la fin du temps, personne n'a jamais été capable d'amener quoi que ce soit pareil, ni une sourate, ni quoi que ce soit, yani, malgré le grand nombre d'ennemis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que l'islam, malgré le grand nombre des ennemis de l'islam à travers l'histoire, hein. Donc, yani, ils avaient l'opportunité de juste pouvoir, ou de juste amener un verset, pas un verset, une sourate pareille au Coran, pour complètement, démentir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si ils étaient capables, ils seraient venus, et ils avaient juste à amener une sourate, et ça allait terminer tous les débats, tous les discussions, les guerres, les désaccords, et puis ils auraient pu prouver que ce message était faux, mais jusqu'à maintenant ils n'ont jamais été capables d'amener une seule sourate qui est semblable au Coran. Donc, yani, Allah subhanahu wa ta'ala, le cheikh il mentionne un verset qui dit « قال تعالى وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين فالتحدي لا يزال قائما إلى قيام الساعة في قوله فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا وقال تعالى أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, le cheikh il mentionne un verset dans lequel Allah dit si vous êtes en doute de ce que nous avons révélé sur notre serviteur, alors amenez une sourate pareille et appelez vos témoins en dehors d'Allah si vous êtes véridiques. Et s'ils ne le font pas, c'est-à-dire s'ils ne viennent pas avec des témoins et s'ils n'amènent pas quoi que ce soit de semblable, et ils n'amèneront jamais rien de ça, c'est-à-dire ils ne seront jamais capables de le faire. Alors ça, il le confirme. Alors il dit, alors craignez le feu qui est donc le combustible et les hommes et les pierres qui a été préparé pour les non-croyants. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc le cheikh il dit que ce défi-là, il est toujours valable et il tient jusqu'au jugement dernier, jusqu'à ce que l'heure du jugement arrive. Et ensuite, il dit comme preuve de ça, que Allah dit, فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا. Et si vous ne le faites pas, et même dans l'avenir, vous n'allez jamais être capable de le faire. وَلَمْ تَفْعَلُوا. Parce que l'âme, c'est pour une négation de l'avenir, dans l'avenir. D'accord? Donc vous ne serez jamais capable, même plus tard. Donc, ensuite, il mentionne un autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, est-ce qu'ils disent qu'il l'a inventé lui-même? Certes, ils ne croient pas. Et qu'ils viennent avec une parole semblable s'ils sont véridiques. Ensuite, il mentionne les paroles du Cheikh Ibn Taymiyyah, Cheikh al-Islam, le Cheikh de l'Islam Ibn Taymiyyah, qui dit, وَهَذَا التَّحَدِّي كَانَ بِمَكَّةِ فَإِنَّ سُورَةَ يُونَسَ وهود والطور من المكي ثم أعاد التحدي في المدينة بعد الهجرة فقال في سورة البقرة وهي مدنية وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين فذكر أمرين. Donc le chef il mentionne encore, il dit le défi il a été fait à Mecca en premier. Et puis pourquoi? Parce que la preuve de ça c'est que la sourate de Younes et de Hud et de la sourate At-Tur, ce sont trois sourates qui ont été révélées à la Mecque. D'accord? Puis ensuite Allah subhanahu wa ta'ala a renouvelé le défi à Médine après l'Hijra, après le Hijra, dans Sourate al-Baqara, parce que c'est une sourate qui était révélée à Al-Madina. Et il a répété le verset qu'on vient juste de lire au sujet du défi que Allah a donné. Et puis il explique deux points qu'il a pris de ce verset-là. Il dit le premier point, أحدهما قوله فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. يقول إذا لم تفعلوا فقد علمتم أنه حق فخافوا الله أن تكذبوه فيحيق بكم العذاب الذي وعدته للمكذبين الذي وعدته للمكذبين. C'est-à-dire, le premier point c'est que Allah s.w.t. dit, et si vous ne le faites pas et vous ne serez jamais capable de le faire, alors craignez le feu. Et donc le cheikh il explique que ça signifie, si vous n'êtes pas capable d'amener quelque chose de semblable, alors ça veut dire que vous avez su que c'est la vérité. Et donc craignez Allah de le démentir, alors et puis que le châtiment d'Allah vous atteigne pour avoir été parmi ceux qui ont traité la vérité de mensonge. Et dans le deuxième point, le qawluhu walan taf'alu walan li nafi al mustaqbal. فثبت أنهم فيما يستقبل من الزمن لا يأتون لسورة مثله كما أخبر بذلك. Donc le cheikh il explique que ولن تفعلوا, c'est-à-dire que لن, c'est une chose qui nie l'avenir ou le futur. Donc c'est pour confirmer que même dans l'avenir personne n'allait être capable d'apporter quoi que ce soit de pareil ou de semblable. C'est-à-dire que même aujourd'hui, le comité d'arabes non musulmans ou non croyants pouvait essayer de se réunir tous ensemble pour essayer de dire bon, on va essayer de composer quelque chose comme le Coran. Et Allah SWT a affirmé dans son livre qu'ils ne seront jamais capables. Même aujourd'hui, s'ils essayaient, ils ne seraient pas capables. Non. Ils ont essayé. Ah. Oui, j'ai entendu, mais c'est des bêtises, subhanallah. Ah, le frère Issa, il a dit qu'il a entendu qu'il y a un site où des gens ont essayé de composer quelque chose semblable au Coran. Non, c'est ça. J'ai déjà entendu parler de ça aussi, mais je l'ai lu, je pense. Mais en fait, une fois que quelqu'un avait amené du sol avec des choses comme ça, c'est des choses écrites en arabe, et puis, mais quelqu'un qui le lit tout de suite, il voit que c'est pas le Coran, tout de suite. Donc après, le cheikh dit, وأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول في سورة سبحان, في سورة الإسراء, وهي مكية, افتتحها بذكر الإسراء, وهو كان بمكة بنص القرآن والخبر المتواتر. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. نعم. وأمره أن يخبر بالخبر جميع الخلق معجزا لهم قاطعا بأنهم إذا اجتمعوا كلهم لا يأتون بمثل هذا القرآن ولو تظاهروا عليه وتعاونوا على ذلك. وهذا التحدي لجميع الخلق وقد سمعه كل من سمع القرآن وعرفه الخاص والعام. وعلم مع ذلك أنهم لم يعارضوه ولا أتوا بسورة من مثله ومن حين بعث صلى الله عليه وسلم إلى اليوم والأمر على ذلك. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il a ordonné à son prophète dans la surat Subhan, c'est-à-dire surat al-Isra, je pense que c'est la surat 17, si je ne me trompe pas, et yani, c'est une surat qui a été révélée à Mecca, elle a été débutée par le rappel de al-Isra, c'est-à-dire Allah il parle au début de cette surat. De Al-Isra, سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. Donc, il dit ça, et c'est une surah qui était révélée donc à Mecca, et la preuve c'est dans le Coran, et aussi à cause des autres hadiths aussi qui mentionnent ça. Et après, le cheikh il dit, le verset dans la surah Al-Isra, il y en a un qui dit, si tous les djinns et les hommes se mettent ensemble pour arriver à faire ou à composer un Coran pareil à ce Coran, ils ne seront jamais capables de faire quelque chose de semblable, même s'ils s'entraident tous les uns les autres, même s'ils sont tous les uns les autres en train de coopérer pour essayer de s'aider à amener quelque chose de semblable. Donc le cheikh il dit, et Allah a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'annoncer ça à tout le monde, pour montrer leur incapacité et leur impuissance, et pour dire d'une façon déterminante que même s'ils s'unissent tous, ils seront jamais capables d'amener quelque chose semblable pour un, même s'ils s'entraident, et c'est un défi à toute la création, et tout le monde l'a entendu. Et tous ceux qui ont entendu le Coran à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, ils ont tous entendu ce défi. Ils étaient tous au courant de ça. Mais on sait très bien que personne n'a été capable d'arriver avec quoi que ce soit et d'amener quoi que ce soit qui ressemble, même pas à une seule sourate qui est semblable au Coran. Depuis le temps que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti à déclarer son message jusqu'à notre jour aujourd'hui, c'est toujours la même chose, personne n'a amené quoi que ce soit. Alors qu'on sait très bien, comme le cheikh dit, ma ulima min an al-khalq kanu kulluhum kuffaran qabla an yub'ath wa lamma bu'itha innama tabi'ahu qalilun wa kana kuffaru min ahras al-nas ala ibtali qawli mujtahidin bi kulli tariqin mumkin taratan yadhhabuna ila ahli al-kitab fayas'alunahum عن أمور من الغيب حتى يسألوه عنها كما سألوه عن قصة يوسف وأهل الكهف وذي القرنين ويجتمعون في مجمع بعد مجمع ليتفقوا على ما يقولون فيه صاروا يضربون له الأمثال فيشبهونه بمن ليس بمثله من ظهور الفرق مع ظهور الفرق فتارة يقولون مجنون وتارة ساحر وكاهن وشاعر إلى أمثال ذلك من الأقوال التي يعلمون هم وغيرهم من كل عاقل يسمعها أنها افتراء عليه. Donc le cheikh il explique, il dit que يعني lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait tous les mécréants يعني qui étaient tous prêts, ils avaient un désir ardent de faire montrer aux gens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait quelque chose de faux. Donc ils faisaient beaucoup d'efforts pour essayer de démentir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le nombre des croyants à cette époque, ils étaient peu nombreux. Et des fois ils allaient voir les gens du livre, les juifs et les chrétiens, et ils leur demandaient des choses au sujet de l'inconnu, de l'invisible, pour essayer d'aller poser des questions pour mettre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'embarras. Et donc c'est pour ça qu'ils lui ont demandé au sujet de Joseph, Youssef, et ils lui ont demandé à propos des gens de la caverne et à propos de Zulqarnayn, et ils se rassemblaient ensemble pour essayer de voir, pour se mettre d'accord, qu'est-ce qu'ils vont aller lui demander. Alors ils se rassemblaient, ils disaient, bon, on va aller lui demander à tel sujet pour voir qu'est-ce qu'il va nous répondre et tout. Et donc, ils essayaient aussi de le faire ressembler ou de l'appeler par des noms, alors qu'ils savaient très bien que ces noms-là ne s'appliquaient pas à lui, ou ces caractéristiques-là ne s'appliquaient pas à lui. Comme par exemple, ils disaient parfois qu'il est fou, ils disaient parfois qu'il était un magicien, ou un diseur de bonne aventure, ou des choses de ce genre, ou un poète. Et toutes sortes d'autres noms comme ça qu'ils le traitaient. Alors que n'importe quelle personne qui possède la raison et qui entend ces choses-là savait que c'était un mensonge sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَإِذَا كَانَ قَدْ تَحَدَّاهُمْ بِالْمُعَرَضَةِ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ وَهِيَ تُبْطِلُ دَعْوَاهُمْ فَمَعْلُومٌ أَنَّهُمْ لَوْ كَانُوا قَادِرِينَ عَلَيْهَا لَفَعَلُوهَا فَإِنَّهُ مَعَ وُجُودِ هَذَا الدَّاعِي التَّامِ الْمُؤَكَّدِ إِذَا كَانَتْ الْقُدْرَةُ حَاصِلَةً وجب وجود المقدور ثم هكذا القول في سائر أهل الأرض فهذا يوجب علما مبنيا لكل أحد بأجل جميع أهل الأرض عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن بحيلة وبغير حيلة وهذا أبلغ من الآيات التي تكرر جنسها كإحياء الموتى فإن هذا لم يأتي أحد بنظيره فإقدامه صلى الله عليه وسلم في أول الأمر على هذا التحدي وهو بمكة وأتباعه قليل وعلى أن يقول خبرا يقطع به أنه لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله في ذلك العصر وفي سائر الأعصار المتأخرة لا يكون إلا مع جزمه بذلك وتيقنه له وإلا فمع الشك والظن لا يقول ذلك من يخاف أن يظهر كذب أن يظهر كذبه كذبه فينفضح فيرجع الناس عن تصديقه إذا كان جازما بذلك متيقنا له لم يكن ذلك إلا عن إعلان الله تعالى له بذلك وليس من العلوم المعتادة أن يعلم الإنسان أن جميع الخلق لا يقدرون أن يأتوا بمثل كلامه إلا إذا علم العالم أنه خارج عن قدرة البشر والعلم بهذا يستلزم كونه معجزا. Donc tout ce long passage, le Cheikh il dit dedans, يعني que نعم. Donc, lorsque le défi a été fait, et il n'a pas été opposé, et c'est bien entendu, c'est clair que s'ils avaient été capables de venir avec quelque chose semblable au Coran, ils l'auraient fait. Parce que toutes les raisons étaient là, ou toutes les causes étaient là pour eux de vouloir le faire. C'est-à-dire, le fait qu'ils étaient tellement... opposé au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il détestait tellement son message, alors s'ils voulaient réellement arriver à le détruire, eh bien, ils auraient pris ce moyen-là, puisque c'était un moyen qui aurait été beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide et beaucoup plus moins coûteux pour eux et plus facile, parce qu'au lieu de là ils ont perdu beaucoup de vie, beaucoup d'argent juste à essayer de le combattre, alors qu'ils auraient pu éviter tout ça en composant quelques versets du Coran. Donc, il dit, donc ça nous fait comprendre en réalité qu'ils n'étaient pas capables de le faire. Et ça nous montre aussi la grandeur du miracle du Coran, parce que, par exemple, les autres miracles qui ont été envoyés par les prophètes à leur époque, par exemple, les miracles de Isa, les miracles de Jésus, les miracles de Moïse. Bon, on en entend parler aujourd'hui, on le lit dans les livres, mais on ne l'a pas vu avec nos yeux. Donc quelqu'un pourrait toujours dire, bon, ok, c'est vrai, c'est peut-être arrivé, mais nous, on ne l'a pas vu. Donc là, tandis que le Coran, eh bien, il est encore là parmi nous, encore vivant. C'est-à-dire, pas vivant, mais il est encore présent. Quelqu'un peut essayer, peut le lire, peut le toucher, peut le voir, et il est capable d'essayer par lui-même d'essayer de composer quoi que ce soit de semblable s'il veut essayer. Et la preuve c'est que donc c'est ça qui fait que c'est un miracle qui reste, qui est là jusqu'au jugement dernier et qui reste une preuve yani de la véracité du message. Et quelqu'un qui sait, par exemple, quelqu'un qui ment, ou quelqu'un qui n'aurait pas conviction totale en ce qu'il fait, eh bien, il n'irait jamais jusqu'à affirmer d'une façon si claire, yani, ou si convaincante, ou si convaincue, que qu'est-ce qu'il dit, c'est la vérité, jusqu'à dire, yani, si vous amenez un verset pareil, ou une sourate pareille, eh bien, yani, essayez. Yani, le fait qu'il a dit ça, le chef il explique ça, il dit que yani, quelqu'un qui fait une déclaration comme ça, c'est uniquement quand il est convaincu que qu'est-ce qu'il dit, c'est la vérité, et que ça, c'est quelque chose qui lui a été donné par Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Sinon, quelqu'un n'irait pas jusqu'à dire comme ça, quelque chose comme ça, parce que sinon, quelqu'un arriverait avec quelque chose de semblable pour le contredire, et puis là, tout le monde dirait, bon, ok, c'est ça, faux prophète, c'est pas vrai, qu'est-ce qu'il dit. Donc, le chef, il dit par la suite, il dit, والقرآن الكريم معجزة مع وجوه من وجوه متعددة من جهة اللفظ ومن جهة النظم ومن جهة البلاغة في دلالة اللفظ على المعنى ومن جهة معانيه التي أمر بها ومعانيه التي أخبر بها عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وملائكته وغير ذلك ومن جهة معانيه التي أخبر بها عن الغيب المستقبل وعن غير الماضي ومن جهة ما أخبر به عن المعاد ومن جهة ما بين فيه من الدلائل اليقينية. Donc le cheikh explique ici que les mirages du Coran sont de plusieurs points de vue. Premièrement, il mentionne que c'est un miracle du point de vue des mots, des termes utilisés, un miracle du point de vue du rythme ou de la structure des versets, un miracle du point de vue de l'éloquence, comment le sens des mots, yani. C'est un miracle aussi du point de vue des ordres qui sont ordonnés dedans, un miracle au point de vue de ce qu'Allah SWT a révélé au sujet de ses noms, de ses attributs, et de ses anges, et d'autres choses de ce genre. C'est un miracle du point de vue aussi des significations qu'il a révélées au sujet de l'invisible, et au sujet de l'avenir, et au sujet des signes de l'inconnu dans le passé. Et c'est un miracle aussi du point de vue de ce qui va venir au jugement dernier, et de beaucoup d'autres points, de preuves, qui sont des preuves, convaincante, que ce livre vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on peut mentionner comme exemple les exemples qui ont récemment été découverts sur le plan scientifique des miracles dans le Coran, c'est-à-dire comment Dieu avait décrit certains faits, certaines choses d'une façon qui ne pouvait pas être connue à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui ont été expliquées aujourd'hui. Et qu'on découvre maintenant que c'était déjà expliqué dans le Coran depuis des siècles, alors que l'être humain n'était pas capable de connaître ces choses-là. Donc, ça aussi, c'est un autre exemple qui nous fait voir que ce livre vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc, mais juste le simple fait de voir que quelqu'un n'a pas été capable jusqu'à aujourd'hui d'amener quoi que ce soit semblable au Coran, c'est déjà un grand miracle qui nous montre que le Coran il est véridique. Bien entendu, le Coran c'est en arabe. Donc il faut que ce soit toujours compris dans le sens de l'arabe. Et les arabes, ça faisait partie de leur tradition, ils avaient une tradition orale. Donc tout ce qu'ils faisaient c'était transmis par soit des poésies, ils étaient très forts dans la poésie. Et c'était des gens qui donnaient à la langue et au discours et à la parole une place vraiment importante dans leur tradition et dans leur culture. Et puis, chaque année, je pense qu'ils faisaient une sorte de compétition pour voir qui va amener les plus beaux poèmes. Et donc, ils se mettaient tous près de la Kaaba, je pense, Et là, chaque poème venait et il récitait les plus beaux poèmes qu'il connaissait pour voir qui allait être le plus fort. Et puis le gagnant, il affichait son poème sur la Kaaba, je pense pendant un an, jusqu'à l'année d'après, quelque chose comme ça. Donc même, je pense même que ces poèmes-là, beaucoup d'entre eux existent encore aujourd'hui, ils ont été encore gardés, et puis ils sont étudiés encore même, jusqu'à maintenant. Il y a des livres où on peut retrouver ces poèmes-là, et puis ces Arabes-là, quand on lit ce qu'ils ont écrit, et puis eux-mêmes, quand ils ont entendu le parole, le Coran qui a été récité, eh bien, beaucoup d'entre eux, tout de suite, quand ils ont entendu ça, malgré que c'était des maîtres dans l'arabe et dans la poésie, ils ont tout de suite reconnu que ce n'est pas un autre, un être humain qui a écrit ça. Ce n'est pas un être humain qui avait amené ces choses-là. Ça pouvait uniquement venir d'Allah. Ils n'ont jamais entendu quelque chose de pareil. Donc ça, c'est une chose qui vient me faire réaliser que c'est un miracle qui vient d'Allah. سبحان الله. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وما بعد، يسير المسيح أفلي بوين إمبورتان أبار لو سوجي دو ميراج دو قران. Il y a un homme égyptien qui s'appelle Rachid Khalifa. Cet homme-là, il y a plusieurs années, bon, il est mort maintenant, mais c'est un ingénieur en agriculture. Il est venu aux États-Unis, il a commencé à appeler les gens à l'islam. Mais en même temps, au début, il a commencé à dire qu'il avait découvert un miracle dans le Coran, c'est-à-dire un miracle numérique. Il a dit que tous les chiffres ou les versets ou les sourates dans le Coran se divisaient par le multiple de 19, c'était le multiple de 19. Et puis, bon, au début, bon, le monde entier, là, les gens étaient éblouis par cette chose-là, ils ont cru qu'ils avaient découvert un nouveau miracle. Mais cet homme-là, par la suite, il a commencé à dire des commentaires hérétiques au sujet de la religion. Il a dit des affaires complètement absurdes. Comme par exemple, il avait dit que d'après ses calculs, il avait découvert que deux versets du Coran avaient été rajoutés, que ce n'était pas partie du Coran. Ensuite, il a commencé à dire qu'on ne doit plus suivre la Sunna. Il a commencé à nier la Sunna. Lui, dans sa mosquée, il avait fait une mosquée aux États-Unis. Et là, il faisait que les hommes et les femmes priaient ensemble, et il commençait à nier des choses de la religion. Et puis, finalement, par la suite, il s'est déclaré prophète, à la fin. Il s'est déclaré prophète. Et il a écrit son livre, The 19, The Numerical Miracle. Et donc, là, les savants ont tout de suite, les savants ont tout de suite répondu à ce gars-là, et ils ont montré que, en fait, même Bilal Soulet, il avait fait à ses élèves, à cette époque-là, il était professeur, il a demandé comme devoir à ses élèves d'étudier son livre et de montrer les erreurs de ce livre dans ses calculs et tout. Donc, il est venu à la fin avec un rapport qui montrait que dans son livre, il y avait beaucoup d'erreurs de calcul, beaucoup de choses avaient été mal calculées. Il avait changé certaines lettres, il avait changé beaucoup de choses, qui fait que pour essayer d'arranger que toujours ça fonctionne, sa théorie, alors qu'en réalité, ça fonctionnait pas. Et puis, aussi, une chose, c'est que, quoi d'autre encore? En tout cas, Bilal Philippe, il a écrit un livre pour réfuter son idée, là. Il a appelé, The Numerical Miracle. Et puis il a appelé en dessous le titre c'est Oaths and Heresies, c'est-à-dire des mensonges et hérésies. Et puis je ne sais pas s'il est disponible, je sais qu'il y avait une copie ici à la mosquée. Ouais. Et je l'ai lu celui-là il y a bien longtemps. Et puis c'est le gars Rachid Khalifa, il est mort, il a été tué. Mais beaucoup de gens continuent encore aujourd'hui à répandre cette idée. Même sur l'internet, ils sont très actifs à répandre ces idées-là. Alors soyez prévenus depuis maintenant que ces idées-là sont contraires à la vérité. C'est une chose importante à savoir, puisque vous allez sûrement rencontrer des gens qui vont vous dire ces choses-là. Donc, on va arrêter ici.